le baron d'Anvilliers était dans le salon qui lui servait de cabinet. Une haute pièce sévère, tendue de cuir, garnie de meubles antiques. Depuis l'avant-veille, il restait comme foudroyé par l'histoire que mademoiselle Chien lui avait contée du déshonneur de Flavie. Elle avait eu beau amener les faits de loin, les adoucir, le vieillard était tombé sous le coup, et seule la pensée que le séducteur pouvait offrir une suprême réparation le tenait debout encore. Ce matin-là, il attendait la visite de cet homme qu'il ne connaissait point et qui lui prenait ainsi sa fille. Il sonna. « Joseph, il va venir un jeune homme que vous introduirez. Je n'y suis pour personne autre. » Il songeait amèrement, seul au coin de son feu. Le fils d'un maçon, un meurt-de-faim, qui n'avait aucune situation avouable. Mademoiselle Chuin le donnait bien comme un garçon d'avenir. Mais que de honte, dans une famille où il n'y avait pas eu une tâche jusque-là. Flavie s'était accusée avec une sorte d'emportement pour épargner à sa gouvernante le moindre reproche. Depuis cette explication pénible, elle gardait la chambre. Le baron avait refusé de la revoir. Il voulait, avant de pardonner, régler lui-même cette abominable affaire. Toutes ses dispositions étaient prises. Mais ses cheveux avaient achevé de blanchir. Un tremblement sénile agitait sa tête. « Monsieur Nantas !» annonça Joseph. Le baron ne se leva pas. Il tourna seulement la tête et regarda fixement Nantas, qui s'avançait. Celui-ci avait eu l'intelligence de ne pas céder au désir de s'habiller de neuf. Il avait acheté une redingote et un pantalon noir encore propre, mais très râpé. Et cela lui donnait l'apparence d'un étudiant pauvre et soigneux, ne sentant en rien l'aventurier. Il s'arrêta au milieu de la pièce et attendit, debout, sans humilité pourtant. « C'est donc vous, monsieur ?» bégaya le vieillard. Mais il ne put continuer. L'émotion l'étranglait. Il craignait de céder à quelque violence. Après un silence, il dit simplement « Monsieur, vous avez commis une mauvaise action. »